Il était une fois trois cavaliers. Il était une fois trois cavaliers. Le premier, tout caparaçonné d'or, brillait comme un soleil. Le deuxième, vêtu de blanc et d'argent, étincelait. Le troisième, couleur de bronze, était gris de la tête aux pieds. Tous les trois hantaient l'épaisse forêt proche d'Osaka. Les froides nuits d'hiver, les pauvres bûcherons les entendaient passer. Quelquefois, ils apercevaient les grandes épées scintiller sous la lune. Et chacun rentrait chez soi, terrorisé. Une nuit de nouvel an, le pauvre Gohei tremblait de froid dans sa cabane. Il décida d'arracher quelques lattes pour allumer un feu. À peine avait-il enlevé trois planches que surgissait devant lui un petit vieillard débusqué dans sa cachette. « Qui es-tu ? Et que faisais-tu sous mon plancher ?» demanda Gohei. « Je suis le dieu des pauvres, et je m'étais réfugié chez toi afin de passer tranquillement l'hiver, » fit l'intrus. Gohei, qui avait bon cœur, l'invita à se chauffer et à partager son modeste repas. Quand le dieu eut bien vidé son écuelle, il se caressa l'estomac avec satisfaction et déclara « Maintenant, je boirai volontiers un petit verre de saké. » « Je n'ai pas de saké, » avoua Gohei. « Comment ? Pas une goutte d'alcool pour fêter le nouvel an ?»« Je t'ai offert tout ce que j'avais, » fit Gohei. « Et je ne le regrette pas, » ajouta-t-il, « car nous avons conversé de bonne amitié et c'est le plus agréable nouvel an que j'ai vécu depuis longtemps. » « Tu es un brave garçon, » fit le dieu des pauvres, « mais tu es décidément... « trop gueux, même pour moi. Aussi vais-je abandonner ta cabane. Avant, je te confierai un secret qui te permettra, si tu le veux, de devenir riche. »« Que dois-je faire ?» interrogea Gohei, les yeux brillants. « La prochaine fois que passeront les trois cavaliers, saisis un cheval par la bride et arrête-le, quoi qu'il t'en coûte. » Sur ces mots, le dieu des pauvres s'évanouit dans l'air si prestement que Gohei crut à demi avoir rêvé. La nuit suivante, Gohei, tout tremblant mais résolu, se tenait au beau milieu du sentier qu'empruntaient les trois cavaliers. Minuit sonnait. Comme l'ouragan, ils arrivaient. Le premier était vêtu d'une longue tunique d'or, la face couverte d'un masque si horrible que Gohei recula d'un pas. Le deuxième, blanc et argent, était déjà là. Il brandit une épée menaçante et passa. Le dernier cavalier était gris. On le distinguait à peine dans la nuit. Gohei se jeta sur lui, agrippa les rênes. Le cheval se cabra, se dégagea, et bientôt s'estompait dans le lointain le galop des trois cavaliers. Désespéré, Gohei rentra dans sa cabane. Il y trouva le dieu des pauvres.